Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Bon après-midi tout le monde, bienvenue dans l'émission En piste avec Tania Baudin. Ça fait déjà quelques temps qu'on s'est jasé ça un petit peu. On est de retour, on est en forme surtout, il faut le dire. Et cet après-midi, comme à chaque semaine en temps normal, on va discuter bien évidemment pendant 60 minutes du domaine de la course automobile et on va aussi écouter un petit peu de musique country parce que, on trouve que ça fit super bien dans le monde de la course automobile, précisément dans le monde de la NASCAR. C'est quelque chose qu'on voit assez couramment, mais c'est aussi une de mes genres musicales que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, j'ai quelques petites nouveautés pour vous un petit peu plus tard dans l'émission, quand vient le temps de discuter de, justement, musique country, que ce soit de la musique canadienne ou encore de la musique américaine. Vous allez voir, on a tout ça pour vous cet après-midi. Mais que vient-il du plan de l'émission pour discuter du domaine de la course automobile? Ça fait déjà quelque temps que l'émission a été en direct. On a été absent pendant deux semaines environ. Malheureusement, j'étais incapable de discuter avec un problème de dents. Mais bon, on est de retour, comme je le disais. Alors, on va faire un petit peu le retour sur ce qui s'est passé dernièrement dans le monde de la course automobile, que ce soit dans le monde de la NASCAR, que ce soit dans le monde aussi de la Xfinity, que ce soit dans le monde de la IndyCar, de la Formule 1. Bien évidemment, vous savez, à chaque semaine, on fait un tour de ce qui s'est dit sur le web, sur les médias sociaux, dans le monde de la course automobile, un petit peu aussi les rumeurs, tu sais, les petits potins qu'on aime bien souvent discuter. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans le monde dans le domaine de la course automobile. Alors bien évidemment, un petit peu plus tard dans l'émission, on va avoir ça aussi, ce fameux segment-là que plusieurs semblent apprécier selon vos commentaires sur Facebook. Et en parlant de Facebook, je tiens à vous le dire encore une fois, si jamais vous voulez des informations ou si jamais vous avez des suggestions pour moi, c'est assez simple, vous vous rendrez sur la page Facebook d'En piste avec Tania Baudin et on va avoir ensemble la possibilité de discuter sur le réseau social qui est Facebook, mais aussi c'est très très le fun parce que je reçois vos suggestions, alors gênez-vous pas de ce côté-là, envoyez-moi un petit message et si jamais aussi vous avez des nouvelles dans le monde de la course automobile, c'est quelque chose que je vais apprécier recevoir. Et je vous disais qu'il y avait de la musique et qu'il y avait aussi discussion de course automobile. Vous le savez, j'apprécie beaucoup commencer l'émission comme ça, avec une petite chanson là, pour nous mettre dedans. Et aujourd'hui, j'ai goût de vous faire découvrir Drake White. En fait, on l'a déjà entendu dans l'émission, mais une de ses nouvelles chansons qui est sortie. J'ai un petit peu le goût aussi de vous parler de qui est Drake White. Eh bien, c'est un artiste qui vient de Nashville. On s'en doute un petit peu dans le monde de la musique country, mais vient de Nashville et a sorti dernièrement une chanson qui s'appelle « I Need It Real ». Alors, on va aller écouter la version acoustique et on se retrouve tout de suite après ça. So child runs off booze and pills and birth control, and nobody says a thing. We're tune in and tune out our conversations with a TV screen hanging off of the end of a rope coming loose. I need to get back to my roots, to the truth, to the way it feels when I hold you. I need that down sound, that soul sound. I need a real baby, your hand in my hand, that eye-to-eye connection. Drake White, I Need Real, une de ses nouvelles pièces qui se retrouve sur son EP. Alors, si jamais vous cherchez des pièces musicales qui sortent de lui, la meilleure place où vous pouvez vous les procurer, en fait, c'est sur Spotify, parce que l'album n'est pas encore sorti, il faut savoir. Mais j'adore ça. Lui-même le dit, c'est un style un peu freestyle, country freestyle, avec un petit peu de blues, un petit peu de gospel aussi. On ressent ça, cette espèce de son-là enraciné dans le sud des États-Unis. Alors, j'adore ça. Drake White avec I Need Real. Vous allez entendre un petit peu plus tard aussi du Drake White avec une chanson qu'on a déjà entendue dans l'émission. Mais pour l'instant, on va aller jaser un petit peu de course automobile. C'est le temps de discuter de ce qui s'est passé dernièrement dans le monde de la course automobile. Je pense qu'un incontournable cette semaine, c'est bien évidemment la victoire du championnat dans la série Cars Super Late Model de Raphaël Lessard. Le jeune, j'ai le goût de dire le jeune prodige de 15 ans, Raphaël Lessard, qui est très jeune, mais quand même qui a été couronné champion de la série Cars aux États-Unis samedi. Il y avait qu'à prendre le départ de l'épreuve, bien évidemment, pour s'assurer du titre. On le sait, sa saison s'est très bien déroulée pour lui et il a fait beaucoup jaser, que ce soit aux États-Unis ou encore ici au Québec, un petit peu partout aussi au Canada. Mais Raphaël Lessard est comme en grosse tournée médiatique cette semaine. On a tenté de le rejoindre, malheureusement, à l'heure qu'il est, il était indisponible pour jaser avec nous. Mais on va essayer de se reprendre, bien évidemment, dans le courant de la saison, ne vous inquiétez pas. Mais Raphaël Lessard, le pilote de 15 ans, est devenu le deuxième non-américain. C'est quelque chose quand même de très, très cool, non-américain, à avoir remporté la série. Le premier avait été Mario Gosselin en 1997 et il est aussi le plus jeune Canadien à remporter une série de stock cars américaines. Cette année, du côté de la série canadienne, on a eu Caden Lapcevich étant le plus jeune à avoir remporté le championnat dans la série NASCAR Canada. Mais là, d'avoir le plus jeune Canadien à remporter une série de stock cars américaines, c'est cool, on aime ça. Ça nous donne un petit peu une belle représentation aussi, canadienne et québécoise surtout. Alors, fidèle à son habitude, Raphaël Lessard avait connu quand même un excellent début de course. On a passé de la 7e place à la 2e dans les 10 premiers tours. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très bon, on s'entend. Puis il a pris la tête par la suite au 82e tour. L'épreuve s'est déroulée très, très bien, sans problème. Ça s'est corsé un petit peu vers la mi-course, par contre, lors d'une relance. Raphaël Lessard et Brandon Setzers se sont touchés et Raphaël Lessard a tout de même réussi à garder l'avantage sur Setzers et Matt Gregg, puis sur son coéquipier qui était Cole Tim, pour finalement avoir signé sa 4e victoire de la saison. Alors, d'après les informations, ont bien évidemment été reçues par communiqué de presse, mais on est très, très fiers. Et là, Raphaël Lessard, comme je le disais tout à l'heure, a passé la semaine un petit peu partout partout au Québec pour justement une tournée médiatique pour le championnat qu'il a remporté. C'est quelque chose d'assez remarquable parce qu'il est très, très jeune. Moi, je me souviens au tout début, lorsque Raphaël Lessard avait décidé de quitter pour les États-Unis, il y en a qui étaient sceptiques. Hein? C'est bien évidemment quelque chose qui se voit couramment, que ce soit dans n'importe quelle discipline du monde de la course automobile. Il y en a toujours qui vont être sceptiques à savoir si c'est simplement de la chance, si c'est simplement le fait qu'on veut faire un petit oomph autour du pilote. Mais je pense que Raphaël Lessard en a déçu absolument aucun lorsqu'il a décidé de se promener du côté des États-Unis cet été. Il a eu une très, très belle saison du côté de la série Cars. Il a très bien fait, il nous a très bien représenté. Et c'est un petit peu pour ça aussi qu'on le voit un petit peu partout cette semaine en tournée médiatique, que ce soit à Salut Bonjour, à CBC. L'autre jour, je trouvais ça très, très cool. J'étais en train de dîner avec un de mes collègues de la station, mon co-animateur du matin, Mathieu Plante. Et à la télévision, eh bien, il y avait Raphaël Lessard qui était en train de discuter à CBC, justement, sur sa victoire du championnat. Alors, félicitations à Raphaël Lessard, qui est un des plus jeunes Canadiens, en fait, qui est le plus jeune Canadien à avoir remporté une série aux États-Unis, alors simplement âgé de 15 ans. J'ai bien hâte de voir à quoi va ressembler son année 2017 par après ça. On le sait que souvent, on peut se dire, la première année, ça a super bien été, on a prouvé ce qu'on avait à prouver. Est-ce qu'on est capable de reproduire ces fameux événements-là une deuxième année de suite? On le sait, en course automobile, ça bouge beaucoup. Il y a des nouveaux pilotes qui arrivent. Bien souvent, on s'est adapté à un modèle. On va avoir un nouveau modèle la saison d'après. Alors, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer pour Raphaël Lessard du côté de sa saison 2017. On va se tenir à l'affût, bien évidemment, pour avoir les détails parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas manquer. Je pense que une des seules places où Raphaël Lessard n'a pas encore coursé, c'est ici, au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, est-ce qu'en 2017, on pourrait avoir la participation spéciale de Raphaël Lessard du côté du Grand Prix de Trois-Rivières? Ça pourrait être très, très, très, très le fun de voir. Je me demande, en fait, si du côté canadien, il y aurait une espèce de problématique, dit-elle avec certaines parenthèses et guillemets autour du mot. Vu son âge, moi je me souviens il y a quelques années de cela, il y avait des pilotes qui pouvaient pas prendre le départ d'une épreuve ici du côté du Grand Prix de Trois-Rivières à cause de leur âge qui était en bas de 18 ans. Est-ce que je crois, si je me souviens bien, le règlement a changé parce qu'on a vu d'autres pilotes performer un petit peu moins de 18 ans. Mais cette année, est-ce qu'on pourrait voir Raphaël Lessard participer? Ah, oh, ça serait cool, on aime ça. On va se croiser les doigts. On va voir. Il y a aussi, on parlait du plan de Raphaël Lessard pour l'année 2017. Comme je dis, on a hâte de voir, en fait, qu'est-ce qui va se passer pour lui. Mais si vous voulez un bon article sur le site poleposition.ca, il y a Eliane Gillin qui s'est entretenue avec Raphaël Lessard, qui est le nouveau champion de la série Cars, pour justement parler de ses plans à lui pour 2017. Alors, le but évident du pilote de 15 ans est de se rendre en NASCAR Cup Sprint. Il n'a pas d'ailleurs caché son intérêt pour cette série-là qui est dans sa mire depuis qu'il est tout petit. Alors, bien évidemment, ça, c'est un but, c'est un rêve. Mais pour l'année 2017, on le sait qu'il y a... C'est pas quelque chose qui se fait très, très rapidement dans le monde de la course automobile de passer à une série, à une autre. Surtout la Coupe Sprint, c'est une très, très grosse série. Alors, il s'agit pour Raphaël Lessard de prendre la bonne route pour s'y rendre, ce que son agent Robert Desrosiers s'assure. Et présentement, Raphaël a l'appui de Toyota, ce qui est très, très bon. On comprend que l'aide monétaire que le manufacturier japonais apporte au pilote, c'est pas nécessairement suffisant pour que le pilote puisse courir sans l'appui de d'autres commanditaire, mais c'est déjà une très, très bonne porte d'entrée dans le monde de la course automobile avec une filière comme Toyota. Alors, c'est comme un privilège aussi qui est réservé à seulement 5 pilotes aux États-Unis et c'est un privilège que Raphaël a reçu. Alors, on espère aussi que pour l'année 2017, c'est une entente qui va continuer et le plan pour l'année prochaine, selon Raphaël, c'est de se faire voir dans les séries d'envergure aux États-Unis. Donc, il dit « Je vais pas faire tout le championnat dans la série Cars Tour Super Late Model. » seulement des gros événements. La série Cars s'est répandue à travers les États-Unis et a réuni quelques-uns des meilleurs pilotes de stock car. Il y aurait possiblement la série de KNN aussi qui est sanctionnée par NASCAR. Tout va dépendre en fait des résultats qu'il va obtenir en Super Late Model, mais il croit que ça devrait être bien et il espère avoir encore une fois l'aide de Toyota. On lui souhaite, surtout parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour Raphaël, bien évidemment, pour pouvoir pousser sa carrière un petit peu plus loin du côté des États-Unis. Mais moi, ce que j'aimerais voir aussi, c'est de le voir participer dans une de nos épreuves canadiennes, justement, de le voir performer contre nos bons pilotes canadiens. Souvent, les pilotes vont aller du côté des États-Unis parce que c'est une porte d'entrée qui est beaucoup plus grande que celle de la NASCAR Canada. Mais j'aimerais vraiment ça, pouvoir voir comment ils pourraient se débrouiller contre certains de nos pilotes canadiens à nous en série NASCAR. Je pense que ça pourrait être un très beau spectacle. Et parlant de série NASCAR Canada, eh bien, il y a Alex Labbé, qui est un habitué de la NASCAR, qui en a fait ses débuts dans la série Xfinity cette fin de semaine. Eh bien, oui, on le sait, il y avait quand même eu une bonne entente avec BRP. Alors, Alex Labbé a terminé 23e lors du Ticket Galaxy 200 samedi à Phoenix, en Arizona. Il s'agissait en fait de sa première course en série Xfinity et il est parti de la 33e place pour les 200 tours. Labbé a évité un accident dès la première relance qui a été quand même assez tôt dans la course. Par la suite, il a remonté 28e, 29e et il restait là pendant le milieu de la course et après avoir sauvé les meubles lors d'un accident qui a bloqué la piste approximativement à 50 tours de la fin de l'épreuve. On a doublé d'ardeur, on a mis vraiment les bouchées doubles et on a profité de la vitesse de la voiture et des problèmes des autres pilotes pour justement pouvoir grimper jusqu'en 23e place. C'est plus que méritoire, en fait. Il est resté jusqu'à la fin de la course. On a terminé sans la moindre bosse sur la voiture du côté d'Alex Labbé et la voiture était en bon état et il était aussi très, très bonne en début de course. C'est ce que disait Alex Labbé par voie de communiqué, ce qui a aidé à bien se déplacer en situation de course. Il a remonté le peloton et il dit qu'il allait devoir corriger un léger sous-virage lors des arrêts, mais ça a terminé la course avec la meilleure combinaison de pneus, meilleure combinaison de réglage aussi, ce qui a permis bien évidemment d'enregistrer des meilleurs chronos et de terminer la course en beauté selon lui. Il était bien à l'aise dans la voiture. Ce qu'il a apprécié, c'est pouvoir rouler avec les bons pilotes qui étaient autour de lui en piste et bien évidemment, il aimerait remercier tous les gens qui l'ont supporté pour ce premier événement-là et il va bien évidemment faire très bien lors de sa prochaine course Xfinity. J'ai très, très hâte de voir comment est-ce que ça va se passer du côté d'Alex Labbé. C'est un pilote dont on a entendu beaucoup parler ici au Canada parce qu'il y avait justement de très bonnes performances. Peut-être que sa saison 2016 du côté de la NASCAR Canada, ce n'est pas déroulé comme il l'espérait. On en avait déjà discuté dans l'émission en fin de saison régulière du côté de la NASCAR. On se disait un petit peu malchanceux dans tout ça. Quelques accrochages au cours de la saison. C'est des choses qui arrivent, mais par contre, cette opportunité-là de pouvoir passer de la NASCAR canadienne à la Xfinity aux États-Unis, c'est une opportunité en or pour un pilote comme Alex Labbé. C'est un gars qui adore les circuits ovales, on le sait. C'est un gars qui vient de là aussi, du monde du circuit ovale. Alors, j'ai bien hâte de le voir lors de sa deuxième épreuve, voir comment ça va se passer pour lui. Et on lui souhaite, bien évidemment, la meilleure des chances à lui aussi. J'ai le goût de comme ça de nous dire qu'on va aller écouter Jessica Mitchell avec Working on Whiskey et un petit peu plus tard dans l'émission, eh bien oui, on va parler de karting. Never loved the way that I loved you. You left a mark like no tattoo. Now I don't know what I'm gonna do without you. Now these walls are the only thing to keep the world from caving in. Stop my heart from crumbling without you. And every time I think I've got you gone, I start seeing things. so why you're not here, here tonight. Oh! Jessica Mitchell, Working on Whiskey. Je trouve qu'elle a un petit peu un son comme celui de Shania Twain, et c'est peut-être parce qu'elle est canadienne. En fait, elle vient de Toronto et son nom vous est peut-être pas inconnu parce qu'en fait, Jessica Mitchell, avant de se lancer dans le monde du country, elle était dans le monde du rock and roll et elle a passé quelques temps à se ressourcer sur elle-même. Elle a passé beaucoup de temps à écrire et elle a tout simplement découvert que peut-être que le monde de la musique country était mieux pour elle que le monde du rock and roll. Et après une dure épreuve dans sa vie, elle a décidé de passer beaucoup de temps à écrire des chansons qui allaient être son premier disque de la musique country. Alors, elle est basée à Toronto et aussi à Nashville, mais c'est un son que j'adore entendre avec Jessica Mitchell. C'était la pièce Working on Whiskey, mais si vous allez faire un tour, que ce soit sur sa page YouTube ou encore sur sa page Spotify, vous allez voir, il y a plusieurs autres types de chansons que celle-là. Et il y en a qui bougent beaucoup, mais j'aime beaucoup le son de sa voix rock qui est très, très, très quand même soul, qui se rejoint beaucoup de ses émotions dans cette pièce-là. Alors, Jessica Mitchell, et on est rendu à parler, et encore une fois, de course automobile. Ne vous inquiétez pas, c'est bien ça le but de l'émission. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait jaser de karting. Ça va se faire un petit peu plus tard dans l'émission, mais au retour de la pause, en fait, on va jaser IndyCar. On va jaser aussi peut-être même Formule 1. Alors, dans pas long, on va jaser tout ça. C'est fou, c'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à C'est fou. 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes à C'est fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Dans l'émission En piste avec Tania Baudin, on parle sport automobile et on écoute de la musique country encore pour quelques temps. Et je vous disais avant la pause qu'on allait jaser IndyCar, peut-être même Formule 1. En fait, oui, on va jaser de Formule 1, c'est sûr et certain, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai goût de commencer par la IndyCar, en fait, parce qu'il y a quelques nouvelles qui sont sorties cette semaine. Entre autres, Carlos Munoz et Connor Daly font jaser pour la saison 2017. Si vous êtes genre à suivre certains pilotes sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, la plupart sont tous là, bien évidemment. Et on sait que depuis quelques temps, Connor Daly savait pas trop à quoi s'attendre pour sa saison 2017. Il le disait à quelques reprises lui-même sur son compte Instagram, sur son compte Twitter. Il était un petit peu inquiet par rapport à tout ça, mais il sentait quand même qu'il y avait des discussions qui avaient bien été au courant de la saison. Et cette semaine, eh bien, c'est AJ Foyt, l'écurie AJ Foyt, qui a confirmé que Carlos Munoz et Connor Daly seront les pilotes pour la saison 2017 en IndyCar, mais avec une particularité, celle que les deux voitures vont être gérées par des usines séparées. Comment est-ce que ça va fonctionner, en fait? Eh bien, Carlos Munoz va prendre la place de Takuma Sato dans la voiture numéro 14. Le Japonais, lui, quant à lui, va être transféré chez Andretti Autosport. C'est une des nouvelles aussi qui est sortie cette semaine. Et Connor Daly va être, lui, dans la voiture numéro 4. C'est un nouveau numéro qui célèbre, en fait, le fait qu'AJ Foyt était devenu, en 1977, le premier pilote à remporter à quatre reprises le 500 000 d'Indiana. Minneapolis. Alors, c'est la seule raison pour laquelle on va avoir le numéro 4 du côté de Connor Daly. Mais il remplace Jack Hawksworth en partance pour l'IMSA. Et c'est une nouveauté. En fait, les deux voitures ne seront pas gérées depuis la même usine, comme je le disais. La monoplace de Munoz va être gérée depuis la base historique de Waller dans le Texas, pendant que celle de Connor Daly va l'être depuis Indianapolis, dans un bâtiment sur Main Street, qui est une propriété de l'équipe depuis quand même 2014. Mais les deux voitures vont être sponsorisées, pareil, par ABC Supply, qui a prolongé son contrat jusqu'à la fin de 2018. Et ça va être sa 14e saison consécutive en tant que sponsor de Foyt Enterprise, un record en IndyCar depuis le retrait de Target à la fin de la saison chez Chip Ganassi Racing. Et c'est une intersaison très occupée dans le monde de la IndyCar. Je pense que c'est... Sérieusement, c'est la première fois qu'on entend autant parler de la IndyCar durant la saison qu'on dit souvent morte dans le monde de la course automobile. Il y a plusieurs pilotes qui font autre chose. Je vais en venir un petit peu plus tard. Mais on dirait que ça n'arrête pas. Entre autres, James Hinchcliffe, lui, qui est du côté de Dancing with the Stars, qui se rend jusqu'à la finale. Ça va super bien du côté de nos pilotes en IndyCar. D'ailleurs, James Hinchcliffe, si jamais vous voulez voir ses vidéos de danse, en passant, un excellent danseur, vous faites rendre sur YouTube, c'est sûr que tout est là et lui-même se fait un grand plaisir de les partager sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi voter pour lui, c'est quelque chose qui est possible. Je vais mettre le lien tout à l'heure sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Si vous écoutez ça, si vous êtes un amateur de course automobile, de savoir à quel point un pilote de course, c'est compétitif. Eh bien, James Hinchcliffe en est la preuve vivante dans cette émission-là. C'est quand même drôle parce qu'au départ, il disait qu'il n'était pas très, très certain d'être bon en danse et pourtant, il se rend jusqu'à la finale présentement. Alors, c'est ce côté compétitif-là, ça ressort beaucoup, hein? On veut pas perdre du côté de James Hinchcliffe et Connor Daly. Et d'ailleurs, souvent présent lors des enregistrements des émissions pour justement appuyer James Hinchcliffe. Ils sont amis depuis très, très longtemps. Ça fait quelques années déjà. Mais il y a plusieurs pilotes de la série qui vont faire un tour lors des enregistrements de l'émission pour justement supporter le pilote canadien. Alors, c'est vraiment cool de voir ça. Comme je le disais, je vais mettre tout à l'heure un lien sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Si jamais vous êtes du genre à vouloir aller voter pour James Hinchcliffe pour la finale ou encore tout simplement... regardez l'émission si vous n'étiez pas au courant. Eh bien, ça va me faire plaisir de vous partager ça. Et Connor Daly est quant à lui heureux de rejoindre l'équipe du Texas. Il a pris le départ de 500 000 d'Indianapolis dans la monoplace numéro 41 d'A.G. Foyt cette année. Et le passage au numéro 4 lui va parfaitement. Également, lui qui est le beau-fils de Doug Bowles, qui est président de l'Indianapolis Motor Speedway et ancien copropriétaire du Penta Racing, qui justement engageait une monoplace frappée du même numéro. Alors, il dit que c'est toujours encouragé le pilote de la voiture numéro 4, peu importe qui il était. Le numéro est important pour la famille et il a hâte de le porter fièrement. Il est ravi de revenir chez Foyt pour la saison 2017. AJ et Larry sont ceux qui lui ont offert la chance de tester une IndyCar à Sebring et d'en profiter lors de la plus grande course du monde, c'est-à-dire les 500 000 d'Indianapolis en 2013. Et pour le Colombien Carlos Munoz, l'écurie d'A.G. Foyt va être sa deuxième équipe en IndyCar après 4 saisons chez Andretti Autosport et 2 places de second aux 500 000 d'Indianapolis. Donc en 2013 et en 2016, il avait terminé deuxième. Il se dit lui-même très excité par un nouveau chapitre dans la carrière professionnelle et il a hâte de piloter aussi la voiture numéro 14 qui a une histoire quand même légendaire. Et il dit que l'un de ses buts est de remporter les 500 000 d'Indianapolis pour la saison 2017, mais aussi dans sa carrière au complet. Il sait que l'écurie veut y parvenir encore une fois et ça va être super d'essayer d'y arriver ensemble. Alors, on souhaite la meilleure des chances à ces deux pilotes-là. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer de chacun de leur côté. On sait que pour Carlos Munoz, la saison 2016 s'est quand même bien déroulée. Par contre, pour Connor Daly, ça a été peut-être un petit peu plus difficile. On le voyait beaucoup plus souvent à l'arrière du peloton. Il a reçu d'ailleurs le prix comme étant celui qui a fait le plus grand nombre de dépassements durant la saison. Ça veut tout simplement dire, et il le disait lui-même, il en rigolait sur ses réseaux sociaux, en fait, que c'est peut-être juste le fait qu'il est il était pas super vite en qualification. Il disait que c'était peut-être justement un petit coup dans le derrière pour se dire qu'il devait mieux performer lors de ses qualifications. Alors, quelque chose avec une note humoristique, mais quand même, ça va être intéressant à voir pour la saison 2017 à quel point on peut avoir ce changement-là avec le changement d'écurie pour Connor Daly. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir mettre son plein potentiel à l'action. Connor Daly, qui avait déjà lui-même participé à l'épreuve dont je vais vous parler tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'émission. Mais je leur souhaite la meilleure des chances avec cette nouvelle écurie. De toute façon, je suis persuadée que Carlos Munoz va quand même très bien faire. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner du côté de Connor Daly. C'est un pilote qui était excellent en monoplace dans le début de sa carrière, que ce soit du côté des États-Unis ou encore quelques courses qu'il avait fait du côté du Canada, de l'Europe aussi. Alors, est-ce qu'on va pouvoir justement se remettre sur nos pieds, être performant comme on le voudrait dans l'année 2017? Ça reste en suspens comme ça pour la saison morte et on va voir en début de saison prochaine. Il y a Ed Jones aussi qui change d'écurie. En fait, on rejoint Bourdais chez Dale Coyne Racing. Alors, c'est une nouvelle qui est sortie hier, très tôt dans la journée. On parle de l'équipe Dale Coyne Racing, oui, qui a annoncé lundi avoir engagé le championnat Indy Light en titre Ed Jones pour disputer la saison 2017 d'IndyCar. Alors, on le sait, il y a plusieurs paliers dans le monde de la monoplace du côté des États-Unis pour se rendre à la IndyCar. Bien souvent, on va commencer par la Formule 2000. Par la suite, on va se rendre dans la Indy Light. Et par la suite, si bien évidemment, on a un, les moyens, deux, le talent, on peut se rendre jusqu'à la IndyCar. Alors, c'est ce que fait le jeune Britannique de Dubaï qui va avoir 22 ans lors de la prochaine saison. En fait, en débutant la prochaine saison, il aura 22 ans. C'est le championnat IndyCar en mars prochain. Il va donc être accompagné de Sébastien Bourdais comme l'un des deux pilotes de Dale Coyne Racing. Et il semble avoir bien et bien fini avec la valse des baquets qu'a connu son équipe ces dernières années. Il dit qu'il est immensément excité de passer en IndyCar l'année prochaine avec Dale Coyne Racing. L'IndyCar a toujours été son but, bien évidemment, depuis qu'il a quitté l'Europe pour venir courir ici en Amérique du Nord. Et c'est fou de penser qu'il va pouvoir rejoindre la grille seulement 2 ans après avoir franchi l'Atlantique. Alors, comme je le disais, les paliers sont quand même assez différents pour plusieurs pilotes. Parfois, on va passer plus de temps dans une série et plus ou moins pour certains de temps dans une autre série avant de justement pouvoir approcher de son but ultime. Mais avec son agent, avec ses sponsors, il a travaillé très, très fort pour justement cette opportunité-là de pouvoir se rendre jusqu'en IndyCar. Et il a pleinement l'intention de prendre la saison par le cou, par les bras et d'en tirer le meilleur, de pouvoir performer à sa juste valeur. Il dit que, bien que nous ayons parlé à quelques équipes, Dale Coyne Racing a toujours apparu comme la meilleure option. Et Dale a travaillé dur pour que ça se fasse, alors il est très content. Et comme on pouvait s'y attendre, eh bien, l'ancien pilote devenu patron dans les années 80 a déjà des éloges sur sa nouvelle recrue. Il dit qu'il a assisté à la finale de la saison 2016 à Laguna Seca et Ed Jones a démontré beaucoup d'équilibre, beaucoup de maturité, de la détermination sous la pression aussi. Et c'est ça qui a fait en sorte que ça l'a joué en sa faveur pour la décision finale à savoir s'il allait être le pilote en 2017 du côté de la IndyCar. Alors, il a vu beaucoup de qualités en lui lors de la finale de la saison 2016 qui devrait lui servir selon lui dans l'année 2017 en IndyCar et il a été très impressionné lorsqu'il l'a vu. Alors c'est toujours un plaisir de travailler avec des nouveaux pilotes selon le propriétaire de l'équipe et c'est ça qui est le fun aussi, c'est de voir à quel point oui, on peut passer plusieurs temps à espérer avoir un volant, à travailler fort, mais de voir aussi que ça paye comme ça, aussi rapidement. Il le disait lui-même 2 ans après avoir quitté la maison, l'Europe. Alors de ce côté-là, c'est très, très le fun. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour lui aussi. Et on doit s'entendre pour dire qu'il a quand même un coéquipier assez idéal, en fait, pour ses débuts dans la grande catégorie, dans la grande série qu'est la IndyCar. Ed Jones va piloter la numéro 18, mais qui va quand même être accompagné de Sébastien Bourdais. Sébastien Bourdais qui est un excellent pilote. Il a déjà été aussi pilote en Champ Car, en Atlantique. Alors, ça va être le fun de voir aussi le travail qu'ils vont pouvoir faire ensemble. Et Ed Jones dit lui-même que c'est un des meilleurs équipiers qu'il pouvait rêver d'avoir pour sa première saison dans la grande série. Il a une expérience quand même assez riche et il a hâte de voir comment est-ce que ça va fonctionner avec les deux pilotes. Nous aussi, en fait, on a hâte de voir comment ça va fonctionner du côté des deux pilotes. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez surprenant du côté du jeune pilote de 22... Ben, en fait, qui va avoir 22 ans parce qu'il a seulement 21 ans présentement. Mais si on se fie à, justement, sa carrière, son temps en Indy Light, ça devrait être quand même quelque chose qui devrait nous surprendre. Du côté de la Formule 1, eh bien, Ron Dennis a quitté la présidence de McLaren cette semaine, un petit peu plus tôt. La rumeur était dans l'air, mais c'est officiel maintenant. Ron Dennis a quitté ses fonctions de président et directeur du McLaren Technology Group. C'est par un communiqué, en fait, que la nouvelle a été annoncée un petit peu partout sur la planète. Pas un petit peu partout, en fait, sur la planète entière. Et il avait rejoint McLaren au début des années 1980. Il a lancé la vague du succès impressionnant qu'a connu l'écurie jusqu'en Formule 1 pendant près de 30 ans avec beaucoup de nouveaux pilotes, de constructeurs. Il a aussi supervisé vers le début des années 2000 la diversification de l'entreprise dans d'autres domaines comme par exemple les voitures de série, les technologies qui ont été appliquées à ces voitures-là et il a même repris les rênes du groupe en 2014. Il a aussi été un des artisans du retour de Honda dans le monde de la Formule 1, de l'écurie, surtout de Woking, qui avait pas porté fruit, malheureusement, durant les premières saisons du manufacturier japonais. Mais quand même, tout ça, depuis plusieurs mois, la position de Ron Dennis était fragilisée au sein de McLaren, et notamment... Aussi, selon plusieurs actionnaires du groupe, le fonds souverain qui détient 50 % de l'entreprise disait justement à quelques personnes, on entendait dire en fait que son poste était un petit peu fragilisé par rapport à tout ça. Alors logiquement, les mots sont pas tout à fait tendre de la part de Ron Dennis dans son communiqué. Voici en fait un extrait du communiqué qu'a donné Ron Dennis. Il dit « Je suis déçu que les représentants de TAG et Mumtalak 4, qui sont les autres principaux actionnaires de McLaren, aient fait passer en force la décision de me mettre en période d'inactivité forcée malgré les avertissements adressés avec conviction par le reste du management au sujet des conséquences potentielles de leur action sur la business. Les motifs qu'ils ont communiqués sont complètement infondés. Son style de management est resté le même. C'est celui qui a permis à McLaren de devenir un groupe automobile et technologique qui a remporté 20 championnat du monde de Formule 1 qui génère 1 milliard d'euros par année et au fil de cette période-là, en fait, il dit avoir étroitement travaillé avec un certain nombre de collègues talentueux pour que McLaren reste à la pointe, à la fine pointe de la technologie. Alors, il leur serait toujours extrêmement reconnaissant. Par contre, on le ressent, il est très, très déçu. C'est sûr que lorsqu'on se fait, en quelque sorte, enlever son travail comme ça, c'est pas quelque chose qui nous flatte dans le sens du poil bien, bien souvent. On semble aussi avoir des nouvelles sur les conditions de Michael Schumacher. Dans une interview accordée au Guardian, Ross Brawn a tenu à clarifier les propos qu'il avait tenus concernant la condition de Michael Schumacher sur le fait que la condition s'améliorait près de 3 ans après son grave accident de ski. Donc, le technicien britannique avait déclaré dans un entretien pour la BBC qu'il y avait des signes encourageants dans la récupération de Michael Schumacher après sa grave blessure. On se souvient, accident de ski qui s'est très, très mal déroulé par la suite en 2013 déjà. Et cependant, on l'a interrogé par la suite et Brown se montre beaucoup plus prudent lorsque vient le temps de parler de Michael Schumacher. Il explique notamment qu'il ne souhaitait pas suggérer que la récupération du pilote se passait extrêmement bien. La famille du champion du monde tient quand même à garder le plus grand secret par rapport à l'état de santé de Michael Schumacher. Ainsi, on lui a demandé s'il se rendait toujours visite parce qu'on sait que Le technicien britannique se rendait quand même assez couramment voir la famille, voir aussi le pilote allemand. Alors, il répond qu'il le faisait. Il va devoir voir s'il va le faire encore, si on va pouvoir un jour s'en remettre aussi. Et il dit qu'il a été cité comme disant qu'il allait mieux. Et c'était pas ce qu'il voulait vraiment dire. Il dit, en fait, la famille dirige sa convalescence en privé et je dois absolument respecter ça. Donc, je veux pas faire de commentaires sur la condition du pilote, sauf à dire que on est vraiment plein d'espoir sur le fait qu'on va voir Michael tel que nous le connaissons à un moment dans le futur. Alors pour le moment, ça reste encore plutôt très très stable du côté de Michael Schumacher. On n'a pas de très grandes nouvelles. Mais c'est des choses qui arrivent. Alors, je pense que du côté du technicien britannique, ça fait juste dire peut-être quelques excuses pour la famille, autre que de donner simplement des propos par rapport à la santé et aux conditions du champion allemand. C'est triste ce genre d'histoire-là, malheureusement, mais ça fait partie de la vie et c'est quand même assez... Je ne veux pas dire assez drôle, là, parce que c'est pas très drôle du tout, mais c'est quand même assez particulier que ce soit arrivé dans un sport tel que le ski, quand en fait sa carrière était entourée de dangers sur une piste de course automobile alors qu'il est allé skier et c'est arrivé comme ça. C'est malheureux, mais on souhaite encore la meilleure des chances aux champions allemands. Et on va aller, nous, écouter de ce côté Thunder in the Rain de Kane Brown. Et au retour, eh bien oui, ça va être le temps de jaser de karting. Your lips, your eyes, don't wanna let go. Your skin on mine, I'm losing control. Hear the rumble in your chest, feel the wind coming off your breath. Your curves ain't slowing me down, ain't nothing gonna stop us now. You're fire. Like a hurricane, we shake these walls like an earthquake. Hear the rumble in your chest, feel the wind coming off your breath away. Calling out my name makes me hard to contain. You're fire, I'm lightning, we're burning at the core. Falling and crashing, girl, we're a perfect storm. Every time our hearts collide, I can feel love come to life. It's like thunder in the rain. We're like thunder in the rain. You're fire, I'm lightning, we're burning at the core. Falling and crashing, girl, we're perfect storm. You're fire, I'm lightning, we're burning at the core. Falling and crashing, girl, we're a perfect storm. Every time our hearts collide, I can feel love come to life. It's the same, baby. We're like thunder in the rain. Thunder in the Rain, Kane Brown à Cifou 89.1 FM dans l'émission En Piste avec Tania Baudin. On est déjà dans le dernier segment de l'émission et j'en avais discuté à quelques reprises déjà. Je vous avais fait des petits spoilers au courant de l'émission, mais c'est le temps de parler de karting. Eh bien, ouais! On pense déjà que la saison de karting est... terminé, du moins ici au Canada, au Québec. C'est pas mal le temps où que toutes les saisons sont terminées, je vais vous avouer, à cause de nos températures, bien évidemment. Mais du côté des États-Unis, ça bouge encore, on le sait. Il y a quelques temps, c'était le US Open, la dernière, la finale du US Open. Mais cette fin de semaine, c'est la finale du championnat SCUSA qui se déroule du côté de Las Vegas. Et là, on a plusieurs pilotes québécois, plusieurs pilotes canadiens aussi qui y participent. Pourquoi? Ben parce que c'est un événement d'envergure. Le SCUSA, le Super Nats SCUSA, comme on l'appelle, c'est un championnat qui est quand même reconnu dans le monde de la course automobile. Il y a plusieurs années, entre autres, le champion allemand de Formule 1, Michael Schumacher, dont on vient de discuter, participait à l'événement. C'était une façon pour lui de pouvoir se remettre en forme, de pas trop laisser partir cette fameuse force G-là lorsque venait le temps de la saison un petit peu plus morte. Il y a aussi des pilotes dans NASCAR qui participent à plusieurs reprises, entre autres AJ Allmendinger. Il y a Marco Andretti aussi qui a participé v'là 2 ans, si je me souviens bien, l'année dernière aussi. Alors, c'est une course qui se déroule du côté de Las Vegas aux États-Unis cette fin de semaine, et l'équipe PSL Karting de Trois-Rivières, ou du moins de Pointe-du-Lac, performe toujours très très bien là-bas. On a très hâte de voir comment est-ce que ça va se passer pour eux. Et tout à l'heure, je disais que j'allais vous parler d'un autre pilote d'IndyCar, que j'allais vous en parler un petit peu plus tard dans l'émission. C'est parce qu'en fait, cette année, pour la première fois depuis bon nombre d'années, le pilote américain Alexander Rossi, la recrue qui avait gagné le 500 000 d'Indianapolis cette année, participe à l'événement. C'est la première fois qu'il ressaute en fait dans un kart depuis plusieurs années. Il va être accompagné entre autres de Matt Ruskell, qui était son coach quand il était plus jeune, quand il a commencé sa carrière en karting. Alors j'ai hâte de voir comment ces deux-là vont se débrouiller. Alexander Rossi qui disait un petit peu plus tôt cette semaine sur les réseaux sociaux qu'il était quand même un petit peu stressé, parce que la plupart du temps, les gars qui vont participer à cet événement-là, c'est des gars qui sont habitués, justement. C'est dur. C'est une épreuve très, très physique de karting, parce que c'est le type shifter, donc c'est beaucoup plus physique, par exemple, qu'un Rotax à un certain point. Et ça se déroule aussi, pas nécessairement sur une piste qui est permanente, c'est plutôt un stationnement pas de centre d'achat, mais un stationnement d'hôtel à Las Vegas. Alors oui, il y a des bosses, oui, c'est un parcours qui est plus ou moins conçu pour ça, on va se le dire. Alors parfois, c'est très, très physique, c'est quand même assez difficile. On se rappelle l'année dernière, l'année d'avant, oui, il y a 2 ans exactement, Marco Andretti disait lui-même, ouf! Je pensais que ça allait être un petit peu plus facile que ça. Je suis arrivée ici peut-être avec des espoirs qui étaient un petit peu trop gros. Je me rends compte qu'il y a des gens qui sont bourrés de talent ici et qui ont cette fameuse force-là de pouvoir justement encore contrôler le kart à une certaine hauteur du sol. Il disait en entrevue il y a 2 ans que lorsqu'on fait le saut dans le monde de la monoplace ou dans le monde du circuit routier, peu importe dans quelle discipline tu te diriges à la suite du karting, ta conduite est complètement différente. Et lorsque tu décides de revenir au monde du karting, parfois, là, les côtes, le dos, les épaules, tout fait mal. Alors, du côté d'Alexander Rossi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour lui. Et pour un autre pilote à qui j'ai hâte de savoir comment est-ce que ça va se passer son week-end, eh bien, c'est le pilote américain Gary Cole, qui va tenter de conserver son titre qui a été obtenu l'année dernière, titre de champion du SCUSA Supernats. Ça faisait des années qu'il était en Europe. Il avait décidé de participer à l'événement du côté de Las Vegas. On se rappelle aussi, il avait déjà participé à plusieurs reprises, mais il n'avait jamais vraiment réussi à revoir ce fameux titre de champion-là. Alors, l'année dernière, il avait réussi à mettre la main dessus. Cette année, il va tenter de le conserver. Et cette année, c'est une année particulière pour lui. Il a malheureusement perdu son père dernièrement. Alors, c'est son père qui lui a demandé de participer à l'événement. C'est ce qu'il me disait un petit peu plus tôt cette semaine. Je lui ai posé quelques questions. Il dit « Je suis très, très fébrile de retourner à Las Vegas, surtout pour tenter justement de conserver mon titre, mais surtout parce que c'est mon père qui m'a demandé d'y retourner, d'y participer et de tenter de conserver mon titre. Il sait à quel point je voulais justement faire cette épreuve-là et il m'a dit « Vas-y, fais-le quand même cette année ». Alors, il y va avec beaucoup d'espoir, mais quand même, on lui souhaite la meilleure des chances de ce côté-là. Et du côté un petit peu plus divers, dans le monde du web, bien évidemment, il y a des par rapport à cet événement-là qui se déroule du côté de Las Vegas, il y a aussi Thomas Neveu qui fait jaser, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait discuté. Thomas Neveu est un jeune pilote qui avait terminé vice-champion mondial un petit peu plus tôt cette année au championnat mondial Rotax. Et là, il se dirige du côté de Las Vegas cette fin de semaine pour justement participer à ce gros événement-là. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour lui aussi. C'est un pilote qui est quand même assez jeune. Et lorsque tu arrives au SCUSA, c'est pas des grilles qui sont à 30 cartes, là. Non. Si vous vous rappelez, je vous disais que le championnat mondial, ça se déroulait quand même à 45, 50 cartes. Lorsque vous arrivez au SCUSA, c'est parfois des grilles de 60 et 65 pilotes qui décident tous de se lancer dans le même virage en même temps pour justement avoir la meilleure position de départ pour la prochaine épreuve. Alors, de ce côté-là, ça va bouger beaucoup. Et sachez que c'est possible pour vous de suivre l'événement en ligne. Tout à l'heure, je discutais que j'allais mettre les liens pour James Inchcliffe sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Je vais aussi mettre les liens pour vous pour pouvoir écouter la course cette fin de semaine sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Alors, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Et du côté du web, un petit peu comme ça, vite fait, on va y aller en rafale très, très rapidement parce que c'est la fin de l'émission déjà. Eh bien, il y a la jeune Canadienne Lindsay Rice qui va disputer sa première course d'endurance à Homestead. C'est une courte période de pause qu'a eu la jeune pilote canadienne Lindsay Rice, mais elle va prendre le volant dans moins de deux semaines pendant qu'elle va participer au Farrah Miami 500 sur le circuit de Homestead. Lindsay et son équipe vont prendre part pour la première fois à une course sur le célèbre circuit floridien qui aurait accueilli le week-end précédent la finale de la célèbre Coupe Sprint NASCAR. Donc, le Farrah Miami 500, c'est une course d'endurance de 4 heures et Lindsay Rice va disputer cette épreuve-là au volant d'une Porsche 911 Carrera avec laquelle elle a grimpé sur le podium 7 fois déjà en 10 courses dans la série GT ontarienne plus tôt cette année, dans ce qui constituait sa saison recrue en sport automobile quand même, il faut le dire, faut le souligner. Alors, l'équipe Rice Race Bestline Autotech va être à ses débuts dans cette série américaine-là qui est Farrah et elle a pour objectif prioritaire de tout simplement s'entraîner durant l'intersaison. Alors, je vous disais que pour certains, c'était le karting du côté de Las Vegas. Pour d'autres, c'est un enduro de 4 heures du côté de Miami. Alors, ça bouge beaucoup. Il y a aussi Marchione qui dit que Ferrari pourrait s'engager en Formule E selon certaines conditions. Le PDG de Ferrari, qui est Sergio Marchione, a révélé qu'un engagement potentiel en formule électrique était dans les tuyaux pour quelques années, en fait, du côté de Ferrari. Alors, on s'est exprimé lors d'une téléconférence suivant l'annonce des gains de Ferrari Q3 à la Bourse de New York et Marchione a déclaré que Ferrari ne considérait pas une arrivée dans la catégorie de monoplace électrique sous sa forme actuelle. Par contre, il a confirmé que la participation serait possible à l'avenir si le règlement technique était beaucoup plus ouvert et si le concept de changement de voiture à la mi-course était supprimé. Parce qu'il dit en fait que ce dernier point fait partie du cahier des charges de la Formule E pour sa 5e saison. Alors il dit « Ça m'a causé bien du tourment avec mes collègues chez Ferrari pendant un certain temps, mais je vais vous donner deux réponses au problème. Si la formule électrique telle qu'elle est structurée aujourd'hui requiert que les gens changent de voiture durant une course parce qu'on a épuisé la puissance disponible, ce n'est pas quelque chose où Ferrari graviterait naturellement. » Deuxièmement, la standardisation associée à la voiture électrique est quelque chose qui va à l'encontre de l'essence de Ferrari, ce qui empêcherait de jouer un rôle, peu importe le rôle en fait, quel que le rôle que soit techniquement sur un véhicule. Et il pense cependant qu'il serait possible à un certain niveau de maturité que Ferrari développe des compétences uniques qui feraient que cette voiture-là serait une voiture unique dans un environnement unique. Et présentement, on n'en est pas encore là, mais ça reste quand même des pourparlers. Il pourrait y avoir cette fameuse entente avec Ferrari et la formule électrique. Voilà, c'est déjà tout pour l'émission d'En Piste avec Tania Baudin cette semaine. Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait se quitter avec une autre pièce qu'on connaît déjà de Drake White. On va écouter It Feels Good, mais surtout, restez en onde parce qu'après nous, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Bonne semaine! She said there's no sense of working if it's just staying hot. So dip your toes in the water, baby, this is a slide. Well, it feels good, good, good. Yes, it feels right, right, right. Oh, it feels good, good, good. So we're gonna lay back and let it ride. Here we go. Saw the whole leg goes. It feels good.